vous en avez tant rêvé, et ben maintenant il arrive, rien que pour vous, dans les bacs. On start. Je bande. Eh putain, ça fait trop là. Attention, il y a Polo qui tape le gros solo. Attention, il y a des années de travail derrière ce solo fantastique. Écoutez cette technique guitaristique, hein. Des années de répétition pour en arriver là. Énormément de travail. Vraiment, ça vaut le coup. Merci public, c'est la concrétisation de tant d'années de travail. Merci beaucoup. Et venez vous livrer aux baguettes boulées. Allez, salut! Les gars! Les gars! Les gars!